Verset 5 nous recommande de lui faire confiance avec tout notre cœur, pas un quart de notre cœur, mais tout. Trust Christ Jesus. Trust his finished work. Vertraue sein Herz. With all your heart, with everything in you. Mit all deinem Herzen, mit allem, was in dir ist. Fais confiance à l'Éternel avec tout ce que tu as, avec toute force, tout ton cœur. Amen. Amen. And lean not unto your own understanding. Mm. The way that seemeth right unto a man. Mm. The fastest way. Are you getting it? Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, auf den schnellsten Weg, der deinem Verstand passt. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, donc le chemin que tu, selon toi, ça a plus de sens, ou bien ça serait plus vite si tu faisais comme ça, comme ci, comme ça, que ça serait plus rapide, en fait. Ne fais pas confiance à ta sagesse. You know, Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. Tu sais que Abraham, par exemple, lui, il a fait confiance à l'Éternel. It was not just belief. Hello. Und es war nicht nur Glauben. Il n'a pas seulement cru. Amen. It was a belief without any doubt. Es war Glauben ohne Zweifel. Il a cru, mais sans doute. You know, you can believe and doubt. Du kannst glauben und zweifeln. Parce que toi, tu peux croire, mais tu peux aussi douter. Is somebody getting it? Amen. Amen. Remember Mark 9. That father with a epilepsy son. Amen. Erinnert euch an Markus 9. I believe had my own belief. Der Mann mit dem epileptischen Sohn, der gesagt hat, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, Herr. Si on se rappelle à Marc, il y a le fils, le père qui a dit à l'Éternel, il a dit à Jésus-Christ, oui, je crois, mais aide mon incroyance. Are you getting it? Mm. That's Mark 9. Amen. C'est Mark 9. Verse 24. Markus 9, 24. Mark 9, 24. Amen. Amen. And straight away the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Praise the Lord. Donc il a dit, il croit, mais que l'Éternel puisse aider son incrédulité. Amen. Amen. Remember also that Jesus said, believe and doubt not. Jesus hat auch gesagt, glaube und zweifle nicht. Jésus-Christ a dit, crois, Mark, mais ne doute pas. In Mark 11. Il a dit ça à Marc 11. Marcus 11. Amen. Amen. Believe. Well, that's Mark 11, verse 23. Mark 11, 23. Amen. Amen. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Mm. Are you getting it? Mm. Je vous l'ai dit en vérité. But shall believe that those things which he said shall surely come to pass. He shall have whatsoever he said. Amen. Without doubt. Ohne that is Zweifel. Trust. Vertrauen. Trust is a belief without doubt. Vertrauen ist Glauben ohne ohne Zweifel. Faire confiance, c'est croire sans sans doute. Ici, il dit que si quelqu'un a 23, à Marc 11, 23, il dit que si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de la et de là et jette-toi dans la mer. Si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il verra s'accomplir. He did not say be satisfied with the problem. Er hat nicht gesagt, sei zufrieden mit dem Problem. Comfort with the problem. Oder gewöhne dich an das Problem. Just accept the problem. Akzeptiere das Problem. Amen. Il n'a pas dit soyez confortable avec le problème ou bien acceptez le problème ou bien oui. Amen. Accept the pain. Akzeptiere Be comfortable Schmerz. With the pain. That is not Christ. Das ist nicht Christus. Il n'a pas dit soyez confortable avec l'Éternel parce que ça c'est une captivité. Trust his finished work. Das Gefangenschaft, sondern vertraue auf das fertige Werk von Christus Jesus. Il a dit que faisait confiance à son œuvre accomplie. Amen. Remind yourself of his finished work. Erinnere dich an das fertige Werk. Rappelle-toi à son œuvre accomplie. Amen. Abraham did not just believe. He trusts. Abraham hat nicht nur geglaubt, er hat dem Herrn vertraut. Abraham, par exemple, il n'a pas seulement cru à l'Éternel, mais il n'a pas seulement cru à l'Éternel, mais lui a fait aussi confiance. He did not doubt him. Er hat ihn nicht angezweifelt. Il n'a pas douté l'Éternel. Remember Genesis 22. In 1. Mose 22. Rappelle-toi à Genèse 22. Give me your son. Als der Herr gesagt hat, gib mir deinen Sohn. Quand l'Éternel a dit, donne-moi ton fils. He never doubted. Er hat niemals gezweifelt. Il n'a jamais douté. He just obeyed. Er hat einfach gehorcht. Il a seulement obéi. Amen. Amen. And that's why he was able to pass all the tests. Und deswegen war er in der Lage, alle Prüfungen zu bestehen, Amen. Wegen dem Vertrauen, was er auf dem Herrn hatte. Et c'est pour cela il était capable de surmonter toutes les étapes que l'Éternel lui avait données parce qu'il faisait confiance. Sa confiance envers l'Éternel, c'était sa force ou bien c'était la capacité pour surmonter ses problèmes. Without test, no promotion. Denn ohne Test gibt es keine Beförderung. Parce qu'il n'y a pas de promotion sans un test. Without test, no money. Ohne Test gibt es kein Zeugnis. Parce que si tu n'as pas un test, tu n'auras pas aussi un témoignage. Praise the Lord. Deswegen ist ein Zeugnis. Amen. Amen. Without test, no money. Ohne Test gibt es kein Zeugnis. Parce que sans un test, tu ne peux pas avoir un témoignage. Psalm 105. Yes. Praise the Lord. Psalm 105. Psalm 115. 5. 105. Praise the Lord. Verse 19. He said, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Until the time the word came. Bis die Zeit kam und das Wort ihn geprüft hat. I hope you understand here. Ici, à Psaume 105, verset 19. Wait, verset 19, il dit que jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Are you getting something here? He said until the time the word came. The word, that is, you know, the confession, the dream Joseph dreamed. It was the word of God. Es war das Wort Gottes. And he confessed it. Und er hat es bezeugt. Until the manifestation came. He received until he sees the manifestation. He said, "The word, the same word, tried Joseph." Bis zur Manifestation hat das Wort ihn geprüft. Donc on voit que Joseph il avait un rêve. Joseph il avait par exemple un rêve et jusqu'à la manifestation, on voit que ici on voit que la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc ça signifie que est-ce que même si dans le chemin il y aura beaucoup de problèmes, est-ce que tu vas continuer à croire à l'Éternel parce que cette parole que l'Éternel te dit, ça va aussi t'éprouver. You know, for us today it should be more easier. Uns sollte es sogar noch einfacher fallen als Joseph damals. Pour nous maintenant, ça doit encore être plus facile à croire à l'Éternel que Joseph. The Bible even said that what we have is greater than what they had. Die Bibel sagt sogar, dass was wir heute haben, ist größer als das, was sie hatten. Parce que la Bible nous dit aussi que ce que nous on a aujourd'hui, c'est même plus grand que ce que Joseph avait. We have the finished work of Christ to depend on. Wir haben das fertige Werk, worauf wir uns verlassen. On a l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel à laquelle on peut s'y jeter, comment se délaisser en fait. We have his finished work to remember all the time. Wir haben das to fertige keep Werk, us moving, right? It is finished. Ja. Wir haben das fertige Werk, woran wir uns immer erinnern, dass es schon vollbracht ist. Parce que nous, par contre, aux autres, aux apôtres, on est pardon, à l'Ancien Testament, on a l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel de Jésus-Christ, laquelle on peut utiliser pour se rappeler toujours de son amour, se rappeler de son accomplissement. On a quelque chose en main, pas comme eux, ils n'avaient rien. Amen. You know, they themselves, they have the covenant through Abraham. They have covenant with God. Amen. And then we are able to trust that. Are you getting it? That covenant. And that is how you have covenant with Christ Jesus today. And please trust it. Sie hatten ein Bündnis mit Gott durch trust Mose und sie haben darauf vertraut. Aber wir haben jetzt ein größeres Bündnis mit dem Herrn durch Jesus Christus und darauf sollen wir vertrauen. Eux, ils avaient seulement l'alliance avec Moïse, laquelle ils se tenaient. Ils savaient que, okay, en fait, qu'on fait confiance à l'Éternel parce que l'Éternel a une alliance avec Moïse laquelle on peut, oui, on peut faire confiance. Mais nous, aujourd'hui, on a une alliance à travers, avec Jésus-Christ, le Dieu lui-même. Et combien de plus on devrait être capable à lui faire confiance. Praise the Lord. Alléluia. Anything trust is no longer in the natural world. Alles, was mit Vertrauen zu tun hat, ist nicht mehr in der natürlichen Welt. Parce que tout ce qui a à faire avec la confiance, c'est, ça n'a rien à voir avec le monde naturel. Even the fake trust is no longer there. Selbst der falsche, the fake one. Selbst der I trust you, you trust me. Mm. You know, they are fake. Mm. They never trust you. You never ever trust them. Praise the Lord. Hallelujah. It is nowhere to be found. It's out of this world. No one, even in Nigeria, your mom can sell you. The children sell your mom. Nobody trusts anybody. Praise the Lord. Hallelujah. Und das Vertrauen dieser Welt ist halt, ist halt ein falsches Vertrauen, wo Leute sagen, dass sie einander vertrauen, aber ein so schnell wie es geht auf einmal auch verkaufen können, ne, für ihren eigenen Profit, für ihre eigenen Zwecke. C'est pas comme une confiance de ce monde, une confiance vraiment qui est falsifiée, que même les enfants ou bien même les parents sont en train de se... tu vas voir un enfant être en train de vendre sa propre mère ou bien une mère qui vend son propre fils pour de l'argent. Donc des histoires comme ça, ça existe. Amen. You can see the reason why. Why even God's children are finding it difficult to trust Christ. Und du siehst den Grund, weshalb Kinder Gottes es schwer fällt, Gott zu vertrauen, Christus zu vertrauen. Et ça c'est la raison laquelle les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont vraiment de la difficulté à faire confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Because even they will always want to see him as people, as man. Wollen Gott, also Jesus Christus, so als wie ein Menschen darstellen, der halt, dem man halt nicht vertrauen kann vollkommen. Parce que les êtres humains sont en train de comparer l'Éternel avec les autres, avec des êtres humains, ils sont en train de le voir comme si c'est aussi comme leur père ou bien leur mère ou bien leur ami qui ne sont pas, qu'on peut pas faire confiance en fait. Hello. Christ is God. Christus ist and Gott. Not man. Und nicht Mensch. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ, il est un Dieu, il est Dieu, il n'est pas un être you humain. Can trust him. Tu peux lui vertrauen. Et c'est la raison laquelle on peut lui faire confiance parce qu'il n'est pas un être humain. On doit avoir l'habitude à se rappeler de ça chaque fois. Amen. You know, man believe everything are changing. Things are changing, but Jesus said, "I am the same." Amen, amen. Der Mensch glaubt, dass alles veränderlich ist und dass alles sich verändert. Aber Christus sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. I change it not. Ich verändere mich nicht. L'être humain pense que, vu que comme eux, ils sont en train de changer, de s'évoluer, ils ont des nouvelles choses, ils sont maintenant en train d'utiliser des machines, ceci, cela, les téléphones. Ils pensent que l'Éternel aussi est comme ça. Mais l'Éternel, il a dit à Hébreux 13. Il a dit que moi je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Amen. Amen. Only a people can change even the Bible, but Christ never changed. Amen. Leute können selbst die Bibel, also das geschriebene Wort verändern, ne? Aber Christus Jesus bleibt der gleiche gestern, heute und für immer. Les gens peuvent modifier toute autre chose, ils peuvent modifier la Bible ou bien les Écritures ou bien je sais pas quoi, mais Jésus-Christ, lui, on ne peut pas lui modifier, il est le même. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Jesus Christ ist der gleiche gestern und heute und für immer. Et Jésus-Christ, lui, il reste le même pour toujours. He said, I never change. Er sagt, er verändert sich nicht. Il dit qu'il ne va jamais changer. Hébreux 13, 8. Amen. Amen. Remember, God told Moses, I am that I am, I change it. Amen. Gott hat zu Mose gesagt, ich bin ich verändere mich nicht. Jésus-Christ, il a dit que je suis. Et la personne qui va, que je vais jamais changer. Amen. Amen. I am that I am, I change it not. Je suis celui que je suis, je ne veux jamais changer. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Alles kann sich verändern, aber nicht ich. Amen. Tout peut être changé. Tout peut se changer, mais tout peut changer, mais moi, je ne peux pas me changer. Je ne peux pas changer. Je serai toujours le même. Amen. Il a dit si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. To trust is greater than to love. Vertrauen ist größer als Liebe. La confiance, c'est plus grand que l'amour. To trust belongs to the Lord. Vertrauen gehört dem Herrn. Faire confiance, ça appartient à l'Éternel. And not to human. Und nicht Menschen. Et pas à l'être humain. Amen. Amen. That's why the Bible said, trust the Lord alone. Und es sagt, Liebe, vertraue dem Herrn allein. Et c'est pour cela la Bible dit, fais confiance à Jésus-Christ lui-même. Since the fall, trust vermouth out of the world. Vermouth. Left the world. Okay. Seit dem Sündenfall hat das Vertrauen die Welt verlassen. Après la chute de l'homme, la confiance a quitté la terre. Amen. Amen. Since the fall, man lost the trust. Seit dem Sündenfall hat der Mensch das Vertrauen verloren. Depuis la chute de l'homme, l'être humain a perdu la confiance. You can never trust Satan. Du kannst dem Satan nicht vertrauen. Parce que tu peux pas faire confiance au diable. He is unpredictable. Er ist unberechenbar. Parce que lui, il est vraiment. Amen. Jesus is not unpredictable. Aber Jesus ist nicht unvorhersehbar. He is the same yesterday and forever. He said it is finished, meaning it is finished. Amen. Wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Dann scherzt er nicht, dann lügt er nicht, sondern es ist vollbracht. Are you getting it? L'Éternel, lui, il ne fait pas de blagues quand il dit que c'est fini, c'est fini. You know what is going to happen, you are going to doubt. But what has happened, you can never doubt. Was noch passieren wird, das kannst du anzweifeln. Ein Geschehenes, was noch passieren wird, kann man anzweifeln. Aber etwas, was schon passiert ist, ein Geschehen, was schon passiert ist, das kannst du nicht anzweifeln. Dann zweifelst du ja das an, was schon da ist. Parce que on sait bien que l'Éternel est imprévisible et on doit lui faire confiance et genau. Et quand lui il dit que une chose ça s'est déjà accompli, donc ça signifie que c'est quelque chose qui est déjà fait. Et pourquoi tu vas commencer à douter quelque chose qui est déjà arrivé ou bien qui a déjà été accompli en fait? Parce que tu peux seulement être capable à douter quelque chose que où tu n'es pas sûr que ça s'est accompli. Amen. Amen. He said, "It is free. You are free. You are free. You are no longer in bondage. It is finished." Amen. Du bist frei. Du bist nicht mehr in Gefangenschaft. You are not going to be free. Amen. If you are going to be free, you are without it. Yeah. Und du bist frei und du bist nicht mehr in Gefangenschaft und du wirst nicht frei werden. Du bist schon frei, denn wenn du frei werden würdest, wäre da noch genug Raum, um diese Freiheit anzuzweifeln. Aber diese Freiheit ist schon geschehen. C'est pour cela, il faut vraiment faire attention ou bien lire sa parole attentivement, parce qu'il n'a pas dit que vous serez libéré. Il a dit que vous êtes libre. Moi, je vous ai donné la liberté. Parce que si il disait que vous allez être libre, là, tu auras encore une possibilité de dire oui, je vais être libre, mais maintenant, je ne suis pas encore libre. Donc, tu as encore un peu beaucoup de temps pour douter. Mais quand il a dit que vous êtes déjà libre, ça signifie que tu vois, douter quoi, parce qu'il t'a déjà dit que il t'a déjà libéré, et c'est comme ça que l'espace pour le doute. Oui, tu n'as pas d'espace pour les doutes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You already have it. We have it. Amen. Amen. Tu l'as déjà. Don't allow anything outside to make you doubt. Things are going to come. Things are going to happen. Some situations are going to change. Outside change, but the inside never change. Amen. The inside is Christ. Dinge werden passieren, Dinge werden sich ändern, werden zurückkehren, nicht zurückkehren, aber das, was immer bleibt, ist Christus. Und deswegen dürfen wir ihn nicht anzweifeln. C'est pour cela, je vous dis que vous devrez rester ferme en l'Éternel, parce que tout va... Il y aura des histoires qui vont changer, les situations vont changer, il y aura des histoires qui vont se passer, mais l'intérieur de cette histoire-ci, c'est Jésus-Christ. Donc, ça peut changer comme ça veut, mais l'intérieur ne va jamais se changer. C'est seulement l'extérieur qui peut changer. Et toi, tu ne crois pas à l'extérieur, mais tu crois à l'intérieur. C'est pour cela que tu dois rester ferme à lui faire confiance, parce que lui, il ne va pas changer. That outside change does not mean you are not in your victory. That Joseph was in prison does not mean he was not in his victory. Amen. Bedeutet nicht, dass du nicht schon in deinem Erfolg bist, dass du nicht schon im Christus bist, nur weil sich das Äußere geändert hat, hieß das nicht, dass irgendwas einem Versprechen sich geändert hat. Seulement parce que l'extérieur change, ça signifie pas que tu n'es pas dans ta victoire. Parce que si tu regardes bien l'histoire de Joseph, lui, il était seulement parce qu'il était dans la prison, ça signifie pas qu'il n'était pas le premier ministre. Donc ça n'avait pas changé. L'Éternel a dit qu'il sera élevé, qu'il est déjà élevé, que lui sera le premier ministre. Il a déjà dit, même depuis quand il était né, il a déjà planifié ça. Ça signifie que même s'il était un esclave, même s'il était dans la prison, ça n'a pas changé la victoire, parce que la victoire, c'était le Christ, c'était l'Éternel lui-même. Et c'est comme ça qu'on doit aussi rester ferme et de ne pas douter à sa parole. Amen. I've already have it. I already have it. It's going to try you. Das, if you really have it. Und natürlich wird auch deine Bezeugung, dass du es schon hast, dich prüfen. Et ton témoignage qu'il t'a donné, ça va aussi te, oui, te, t'éprouver. Will anything outside make you to believe you don't have it? Wird irgendetwas Äußerliches dafür sorgen, dass du nicht mehr daran glaubst, dass du schon hast? Est-ce que quelque chose de l'extérieur va faire, ou bien va te faire douter, ou bien que tu puisses croire que, oui, l'Éternel a dit ça, mais moi, comme j'ai vu l'extérieur, je ne suis pas capable à le croire. Est-ce que ça va te faire douter? Your only abortion is, you don't... You stop trusting him. That's aber the abortion. Das, was den Glauben entwurzelt, ist ihm nicht mehr zu vertrauen. Mais la seule chose qui peut avorter, c'est que l'Éternel a pour toi, te faire avorter ça, c'est quand tu ne lui fais plus confiance. The outside abortion or whatever is outside is not the truth. The real abortion is you stop trusting him. Amen. Und nicht die äußerlichen Begebenheiten, Situationen, entwurzeln dieses Versprechen oder zerstören dieses Versprechen, sondern es ist dein eigenes Glauben oder dein eigener Unglauben, dein eigenes nicht mehr Vertrauen, das entwurzelt dann das Versprechen. L'avortement de ta victoire, c'est pas basé sur l'extérieur. C'est pas que quand tu vois que quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de faire le, qui est le contraire, que c'est ça ton avortement. Non, c'est pas ça. Ces choses-là sont venues pour t'éprouver, en fait, pour voir si toi tu crois réellement à ta victoire. Mais ce qui va faire aborter ce qu'il a pour toi, ça sera. C'est quand toi tu vas plus le faire confiance, quand tu n'es plus capable à lui croire, et c'est ça qui va faire avorter ça. Nothing can change our victory. Amen. You don't allow anything to change it. Amen. Nichts verändert unseren Sieg, und du darfst nicht zulassen, dass etwas deinen Sieg verändert, weil es ist das Werk, fertige Werk von Christus. Parce que notre victoire, personne ne peut le changer, parce que c'est toi-même qui permet au diable, ou bien qui permet à la victoire de, qui permet tu permets au diable de te faire douter. Donc, c'est l'Éternel, quand il dit que c'est quelque chose est accompli, c'est tu dois y en croire jusqu'à la fin. You choose never to allow anything to steal your joy, your peace. It is the finished work of Christ. Du lässt nicht zu, dass irgendwas deine Freude oder deinen Frieden angreift. For Christ is the same yesterday, today and forever. Du lässt nicht zu, dass irgendwas deinen Frieden oder deine Freude angreift, weil nicht sie your sind peace. Das Problem. Du musst dich dafür entscheiden, Christus als deine Freude und deinen Frieden weiterhin zu sehen und weiterhin zu glauben, dass er das ist. Tu ne permets pas aux circonstances de manipuler ta joie ou bien ta foi. Parce que c'est toi-même qui es au contrôle de ça. Quand tu es au contrôle de ça, ou bien tu ne vas pas laisser les circonstances attaquer ta foi. Quand tu vois vers l'Éternel, tu as tes yeux vers l'Éternel, tu sais qu'est-ce qui est l'intérieur, malgré l'extérieur te semble un peu différent ou bien en train de... Oui, de for God so loves the world, and not for God so trusts the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt und nicht Gott hat der Welt so sehr vertraut. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'a pas dit que Dieu a tellement fait confiance à ce monde qu'il a donné son fils. I hope you get it. It is for God so loved the world and not for God so trust the world. Gott hat die Welt geliebt und nicht der Welt vertraut. Ça nous fait voir qu'il parle de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde. Et ils n'ont pas dit que Dieu a tellement fait confiance. And that's why we love the people, but we don't trust. Deswegen lieben wir die Menschen, wir vertrauen ihnen nicht. Et c'est comme ça, tout comme nous. Nous, on aime les gens, mais on ne les fait pas confiance. Trust no man except Christ. Vertraue niemanden außer Jesus Christus. Ne fais pas confiance à quelqu'un d'autre sauf Jésus-Christ lui-même. God does not trust any man. Christus, Gott, vertraut auch keinen Menschen. Parce que Dieu ne fait pas confiance à l'être humain. Amen. Again, for God so loved the world, And not for God so trust the Denn Gott hat die Welt geliebt und ihr nicht vertraut. Parce que Dieu a aimé le monde et n'est pas parce que Dieu a fait confiance au monde. Amen. Since the fall, it takes Christ to trust man. Seit dem Sündenfall braucht es Christus, um Menschen zu vertrauen. Depuis la chute de l'homme, l'être humain a besoin de Jésus-Christ pour faire confiance à l'être humain. Amen. You can even see it from yourself. Without Christ, you yourself, you cannot even trust yourself. Ohne Christus hast du nicht mal dir Selbstvertrauen, geschweige denn jemand anderen. Tu peux même le voir dans ta propre vie. Sans l'Éternel, tu n'es même pas capable de faire toi-même confiance, toi-même. Tu n'es pas capable de te faire confiance toi-même sans l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hey. If you go to Job 1:1, let's go to Job 1:1. God trusted Job and he boasts of Job. Why? Job 1:1. Let's look at the reason. On va lire Job 1:111. Praise the Lord. 1:1. Ah, Job 1:1. Pardon. He said, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God. You see, and eschewed evil. Job was after God. Hiob war hinter Gott her. Ici on voit que Job, cet homme était intégré et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Praise the Lord. Hallelujah. It takes Christ. Es braucht Christus, um Menschen zu vertrauen. Donc, ça nous fait voir ici que tu as besoin de l'Éternel pour faire confiance à l'être humain. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How you trust is how he will know how you love him. Wie wir vertrauen, so weiß er, dass wir ihn lieben. Comment tu lui fais confiance, c'est comme ça qu'il va voir que tu l'aimes vraiment quand il voit que tu lui fais confiance. Amen. Amen. Believe him without any doubt, no matter what. Ihm zu glauben ohne Zweifel, das ist Vertrauen. Crois l'Éternel sans doute, c'est comme ça qu'il va savoir que tu l'aimes. Amen. And you are trusting, how you trust the finished work of Christ, that is how you know you love him. Und wie wir das fertige Werk von Christus glauben, so weiß er, dass wir ihn lieben. Comment toi tu fais confiance à son œuvre accomplie, c'est comme ça qu'il va voir combien tu l'aimes. You can see how God, he boasts of Job, and because the trust was there. Er hat über Hiob geprahlt, weil das Vertrauen Job da war. Ici à Job, on va voir qu'il a fait confiance à Job parce que il savait que Job lui faisait aussi confiance. Amen. Il était fier de Job parce que il faisait confiance à Job. Then it was after your doing, amen, your work, your the good you do, that you say, I want to obey God. But now it's believing the finished work of Christ. Damals wurde man nach seinen Taten gemessen, aber jetzt werden wir nicht mehr gemessen und wir vertrauen auf das fertige Werk von Jesus Christus. Avant, on nous mesurait notre amour et notre confiance par rapport à ce qu'on faisait pour l'Éternel. Mais maintenant, on est mesuré par rapport à comment tu crois à l'accomplissement de Jésus-Christ, à son œuvre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why nothing could change, even Job's victory. Nichts konnte den Sieg von Hiob ändern. Et c'est pour cela, rien n'était capable à changer la victoire de Hiob. Amen. Amen. Again, you are trusting him is a proof of your love for him. Ihm zu vertrauen bedeutet Beweis, dass du ihn liebst. Et quand tu lui fais confiance, là tu prouves à l'Éternel que tu l'aimes. Christ does not want us to trust any man. Christus will nicht, dass wir Menschen vertrauen ohne ihn. L'Éternel ne veut pas que tu puisses faire confiance à l'être humain sans lui-même dedans. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah 17. Jérémie 17. Amen. Verse 5. Jérémie 17, 5. Thus said the Lord. Can you help us to read it yet? Verse 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Amen. Amen. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted the man. Are you getting it? It must be Christ alone, not trusting any man. If that man might be your mother, your father, or anything. Without Christ, no trust. Und dieser Mensch kann deine Mutter sein, kann dein Vater sein, kann sogar du selbst sein, weil du auch ein Mensch bist. Du sollst dieser Sache nicht vertrauen. Nur Christus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son épouse. Et ça signifie que cet homme-là, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être même toi-même là. Donc, il faut seulement faire confiance à Jésus-Christ lui-même et pas à l'être humain. Allow their trust on their children. Their children is everything. Their parents, their money, their real things. Und für viele Leute sind ihre Kinder sie selbst das Einzige, was ihnen wichtig ist. Und alles bedeutet das für sie. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui font confiance à leurs enfants sans l'Éternel lui-même. Their job, donc, their beauty. Ou bien font confiance à leur beauté, leur argent, leur travail. Et ça, c'est pas faire confiance à l'Éternel, c'est mauvais. Donc, c'est seulement lui, l'Éternel, que tu dois faire confiance. Anytime you look at the mirror, you better see Christ. Und auch ihr Besitz und ihr Geld und all diese Dinge sind ihnen so wichtig und darauf vertrauen sie. Aber und genauso sollen wir auch wissen, dass immer wenn wir in den Spiegel schauen, sollen wir Christus sehen und nicht mehr und nicht weniger. Chaque fois que tu regardes dans un miroir, tu dois voir Jésus-Christ, tu dois voir le Christ en toi et pas ce que tu as quand, ou bien ce que tu as fait, ou bien tes victoires, ou bien tes diplômes, des histoires comme ça. Non, vois l'Éternel en toi. Sinon, tu fais confiance à toi-même. Il dit, cursed, thus said the Lord, cursed be the man that trusted the man, and maketh flesh his arm, and whose heart depart from the Lord. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Also Isaiah 31, if you go there also. Isaiah 31. Esaïe 31. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 31. Isaiah 31. Amen. Esaïe 31. Verse 1 and verse 3. 1 et 3. 1 et 2. 3. 1 et 3, pardon. Amen. He said, woe to them that go down to Egypt for help, and say on horses, and trust in chariots. Yeah, trust. Because they are many. Those who know majority. You know, majority win the vote. Weil die Mehrheit ja immer sozusagen gewinnt. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour savoir secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chairs et à la force des cavaliers. Donc, la multitude, parce qu'ils sont nombreux. You know, people live on popularity. Leute leben von ihrer Berühmtheit, von ihrer Bekanntheit. Les êtres humains sont en train de vivre à travers la popularité qu'ils ont. Amen. Amen. Praise the Lord. The big church. There are so many. You know, what they see, the flesh, it's all about the flesh. Und die Leute, die wählen, entscheiden auch so nach... They won't just see it, they just size it. Sie entscheiden nach Aussehen, nach Zahlen. All diese Dinge sind Kriterien, nach denen sie Entscheidungen treffen. That's how they size Jesus. Und so haben sie auch Jesus bewertet. C'est les êtres humains sont en train de voir à travers la popularité. Donc, si tu dis que oui, c'est une grande église, ils ont beaucoup d'argent, ils ont ceci, cela. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi essayé de voir Jésus-Christ. Quand ils ont vu que Jésus-Christ n'avait rien là, ils se disaient, mais est-ce que c'est lui vraiment la personne qui vient nous aider? Parce qu'il n'a rien, il n'a même pas un cheval, il est seulement à deux mains, à deux pieds. Donc, des histoires comme ça, c'est comme ça qu'ils sont en train de... Ils ont vu l'Éternel, c'est comme ça qu'ils sont en train de voir toujours la chair jusqu'à aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. On the side Jesus. Amen. They say, who is this? Is this not carpenter? Is it not the carpenter we know about? Amen. We know the mother, Mary. We know the family. We know the children, brothers and sisters. Then who is this man? They size him up. Mm. Don't size this ministry up. Mm. Sie haben Jesus sozusagen abgecheckt, ne? Geguckt, okay, woher kommt er, was macht er, was hat er, wie sieht er aus, was kann er? Und danach haben sie gemessen, ob sie ihm folgen können oder glauben können. Und so tun das auch heute Leute heutzutage mit Gemeinden, dass sie Gemeinden abchecken und nach ihrer Liste gehen und danach bewerten, ob diese Gemeinde eine Gemeinde ist oder ein Ort ist, an dem sie sein können oder nicht. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi vu avec Jésus-Christ. Ils ont dit, mais celui-là, c'est un charpentier. Mais on connaît sa mère. Et lui, il dit qu'il est le fils de Dieu. Mais comment ça? Mais son père, c'était Joseph. On lui connaît. Des histoires comme ça, ils sont en train de voir. Ils voient que la chair, ils ne voient pas l'esprit de la personne. Et c'est comme ça qu'ils sont aussi en train de voir aussi quelquefois les églises. Ils partent seulement dans des églises parce qu'on voit qu'il y a des nombreux de personnes qui sont parties là-bas ou qui partent là-bas. Ou bien qu'il y a des célébrités qui sont, qui sont dans cette église-là. Et c'est pour cela qu'ils se disent aussi même de cette église, il n'y a que 20 personnes dedans. Mais ces gens-là sont inconnus. Est-ce qu'il y a vraiment l'éternel? Il y a la vérité vraiment dedans? Oui, mais notre critère, c'est pas la chair, c'est l'esprit. Amen. Et on va le voir aussi à Marc 6. Marc 6. Mm-hmm. Matthieu 13, Matthieu 13 aussi nous dit ça. Mais on va lire Marc 6. Let us first of all go to Marc 6 and see. Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If we read from verse 1. Let's read from verse. Mark 6, 1. And as and he went out from thence and came into his own country. And his disciples follow him. His own country. Amen. His own city. Seine eigene Stadt. Et s'il était parti, il se rendit dans sa propre cité, en fait. À Nazareth. Verse 2. Propre ville. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, from where said this, had this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and of Judah, and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. This is also in Matthew 13. Mm-hmm. Amen. If you read from verse 55. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Ici, on voit vraiment que à ce verset biblique, c'est juste que verset 4 jusqu'à verset 3, on voit que les gens de la ville de Jésus-Christ de Nazareth disaient que, mais ils ont vu que Jésus-Christ était en train de prêcher, ils étaient vraiment étonnés, ils disaient, mais il a beaucoup de sagesse. Mais quand ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ, ils disent que, mais ça c'est le fils de Marie, non? Et puis ils ont commencé à se dire qu'ils ont eu une chute. Ils ont dit ici que c'était pour eux une occasion de chute quand ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ. You get something there. They don't know you because they don't know Jesus. Sie kennen dich nicht, weil sie Jesus kennen. Wenn sie Jesus kennen würden, würden sie dich kennen. Ils ne sont pas capables à te reconnaître ou bien à te connaître parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que s'ils étaient capables à connaître Jésus-Christ, ils allaient aussi te reconnaître. You know, if you are talking to your mother, you say, are you not the one that I change the pampers all through the time? You know, he just look at you and just say, Ralph, I get better to you. Are you really the one that gave birth to? Mm. You are not the true mother, the true father is Christ Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, your brother may even look at you and say, who is this? I know my brother. But you know, just like they look at Jesus here and said, who is this? Mm. Are you getting it? Und, same way today. You are not different. Auch heute, wenn sie dich fragen, was denkst du, wer du bist? Ne? Ich kenne dich doch. Ich bin beispielsweise eine Mutter, die Windeln gewechselt hat. Oder ich bin doch dein Bruder, der dich noch verdroschen hat, ne? Als du fresh warst. Also sie werden versuchen, dir all diese Dinge aufzusetzen und dir zu sagen, dass du doch von ihm abstammst. Dass ohne sie selbst gäbe es dich nicht. Aber stimmt das? Bist du wirklich aus ihm geboren oder bist du jetzt nicht aus Gott geboren? Weil du jetzt ein Kind Gottes bist. Amen. Ne? Und das ist halt, was damals schon der Fall war. Und auch heute wird es so sein. Et cette histoire avec Jésus-Christ, ce qui s'est passé à Nazareth, c'est une des histoires qui se passe aujourd'hui aussi dans notre vie quotidienne. Que quelquefois, il y a des gens qui te disent, quand tu es même à tes propres familles, à ta mère ou bien à tes frères, tu es en train de les prêcher la parole de Dieu, tu leur donnes la vérité. Mais eux, ils te disent, mais c'est moi qui ai changé ton pampers quand tu étais petite. Et maintenant, tu veux me dire que tu es un enfant de Dieu. Mais toi, je te connais. C'est moi qui étais responsable de toi depuis quand on était petite là. Des histoires comme ça, ils sont pas capables de te reconnaître, mais ils vont te dire que c'est moi qui t'ai mis au monde. Mais est-ce que c'est réellement eux qui t'ont mis au monde? Parce que toi, maintenant, tu es une nouvelle créature selon la Bible. C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu lui-même qui est ton père maintenant. Et maintenant, eux, ils ne sont pas capables de le voir parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la vérité en eux. Praise the Lord. In verse 4 of Mark 6. Look at verse 4. Marcus. Amen. We are Mark 6. Okay. Mark 6. On va rester à Marc 6. Marcus 6. Amen. Amen. In verse 3 it said that we are offended at him. In Vers 3 steht, dass sie Anstoß an ihn nahmen. That we are offended. Marc 6, 3 nous dit qu'ils étaient vraiment ils étaient offensés. You know, your brother can say, who are you? Who is the one? I know more than them. Deine Geschwister können dir sagen, wer bist du? Ich weiß mehr als du. Tes frères, tes sœurs, même tes parents peuvent te dire, mais toi, pourquoi tu veux parler? Qui es-tu? You can come to this house and just see everywhere. Wow, who are these? Ils peuvent même venir dans ton église et dire, mais cette église, c'est petit comme ça. Where I live is even more beautiful. Und diese Leute können ihren Wohnort mit deinem Wohnort vergleichen und sagen, ja, aber ne, also ich komme aus besseren Verhältnissen und ich habe einen besseren Umgang oder bessere Freunde, keine Ahnung. Sie können weltlich alles richten. Là où j'habite, ils vont te dire aussi que là où moi j'habite, c'est même plus beau que cette église ici, mais je comprends pas. You know, to be a carpenter is not even a good job. Ein Tischler zu sein. In Europe here, people might even like in Nigeria they don't value it at all. Carpenter. How do we go pronounce carpenter? They just see it as rubbish. That's it's nonsense. It's just nothing. You understand me? You know, carpenter is not a doctor. It's not a lawyer. It's not a what do you call it? Engineer. Mama engineer. Mama lawyer. Mama doctor. Minister. Governor. You know, the carpenter. So low. Und, so low. Er ist ein Tischler gewesen hier auf Erden. Und die Leute haben das nicht erachtet als etwas Besonderes. Und genauso auch heutzutage, beispielsweise in Afrika, in Westafrika, ist auch dieser Beruf des Tischlers nicht wirklich anerkannt, nicht etwas Tolles, worauf man stolz ist. Also keiner ist da stolz, das zu sein. Man nutzt das sogar, um Leute halt zu beleidigen. Ne? Genauso wie man hier Leute, keine Ahnung, obdachlos nennt, Penner nennt oder sowas, würde man dann da beispielsweise jemanden einen Tischler nennen. Ne? So niedrig ist das. Und damals, und das zeigt einfach wieder die Demut des Herrn, ne? dass er sich für diesen Job entschieden hat und keinen anderen. Ici on voit vraiment que Jésus-Christ était un charpentier. Un charpentier, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur en fait. C'est quelque chose de si bas, c'est une formation trop trop bas. Et on peut voir comment l'Éternel il s'est vraiment dégradé. Il s'est vraiment mis là même. Il n'était pas un docteur. Il n'était pas, il n'était pas un ingénieur, quelque chose bien un avocat. Il n'avait pas un travail vraiment valorisé. Donc, il était un charpentier. Et le charpentier, tu peux même l'utiliser même pour insulter les gens. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es un charpentier, tu n'es rien. Et c'est comme ça que les gens se moquaient aussi de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 4, please. Verset 4. He said, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country. You know, one one of the reasons why the Lord said you should pray laborer to go to the harvest. Und das ist auch einer der Gründe. Not even you go to the harvest. Sometimes. Because seeing you alone, they have sized you up. They know who it is. Are you getting it? Und das ist auch einer der Gründe, ne, Vers 4 hier, weshalb wir dafür beten sollen, dass Arbeiter geschickt werden zur Ernte, ne, weil beispielsweise deine Familie, wenn du zu ihnen predigst, nicht wirklich auf dich hören werden, weil sie dich immer noch als, keine Ahnung, den Cousin, der kleine Bruder oder die kleine Nichte sehen, als das Kind Gottes, was gerade zu mir Wahrheit predigt. Deswegen ist es dann gut, in so welchen Fällen einfach dafür zu beten, dass der Herr Leute schickt, auf die sie hören werden, die sie nicht von vorhinein schon abstempeln als irgendeine Person, die sie einfach kennen und dessen Worte sie deswegen schätzen werden. Ne? Das ist nicht immer der Fall, aber manchmal ist das der Fall. Deswegen ist es gut, dann dieses Gebet zu beten, dass dann halt der Herr jemand anderes schickt, anstatt dich selbst dorthin. Ici, à verset 4, il nous dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa partie, ou bien dans sa ville, parmi ses parents et dans sa maison. Et c'est pour cela, quelquefois, c'est vraiment important cette prière qu'on fait, que l'Éternel puisse envoyer des travailleurs pour prêcher à nos familles. Parce que il y a beaucoup de fois, nos membres de famille, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils disent que, mais toi, tu es notre petit frère, tu es notre petite sœur, tu es né en 1900, et si tu veux te parler maintenant, là. Et ils ne te croient pas. Et c'est pour cela que c'est important que l'Éternel puisse aussi... C'est important qu'on puisse aussi prier et prendre cette prière aussi vraiment sérieux, de prier que l'Éternel puisse envoyer aussi des travailleurs pour convaincre nos familles et pas seulement nous, parce que quelquefois, on ne prend pas au sérieux. You know, that is why we should learn to see Christ. Amen. Learn to see Christ. You know, if you come to me, you believe if I pray for you to work. But if you pray for yourself, it will not work. Mm-hmm. You know why? Because you know you don't know me. Mm-hmm. Und das auch manchmal you understand me. If you really know, if you know me as you know you, you will not say it. Mm-hmm. Are you getting it? And that's why it must be centered on Christ. Mm-hmm. You see Christ. Christ is everything. Christ is the finished work. Mm-hmm. I hope you understand it. Ja, es ist wichtig, dass wir uns auf Christus fokussieren, weil beispielsweise, wenn wir manchmal darum bitten, dass jemand für uns betet, haben wir irgendwie mehr Glauben oder Vertrauen auf das Gebet einer zweiten Person auch für uns, als auf das Gebet, was wir für uns selbst haben, weil wir sozusagen uns mehr kennen und uns deswegen durch unsere Werke, die wir tun, die nicht in Christus sind, unserer Meinung nach, uns deswegen halt als minderwertiger sehen und unsere Gebete als weniger stark sehen als die Person, um die wir bitten, dass sie für uns betet, weil wir bei der Person nicht wissen, okay, ob sie auch so wenig betet wie wir, ob sie genauso wenig Bibel liest wie wir, ob sie ihre Beziehung zu Christus genauso committed sin. You know that you have just committed sin. No. But you don't know that if that man or that woman have just committed sin oder also. Ob diese Person, no, we prefer his prayer more than yours. Ne? Weniger sündig als du, ne? Weil du halt diese ganzen Informationen über dich selbst halt kennst, wird das dafür sorgen, dass du dann dein eigenes Gebet anzweifelst und das Gebet der anderen Person dann mehr vertraust. Aber das ist halt Fleisch, weil du dann halt auf die Werke der Menschen guckst, auf deine Werke und die Werke der anderen Person, anstatt auf Christus alleine. Exactly. En fait, quelquefois, on veut qu'on fait confiance aux prières du pasteur et pas de notre propre prière. Pourquoi? C'est parce qu'on ne voit pas toujours le Christ en nous ou bien dans la personne. On voit toujours les positions. Tu dis que tu te vois toi-même. C'est parce que tu ne te connais pas et tu ne connais pas aussi la personne devant toi. Parce que tu te vois toujours comme l'être humain qui est encore charnel, qui avait péché. Et c'est pour cela que tu dis que oui... Je pars d'abord chez le pasteur, c'est la personne qui va prier pour toi. Oui, c'est pas mal de prier avec le pasteur, mais tu dois voir le Christ dans la personne. Tu dois, le même Christ que tu vois dans le pasteur, c'est le même Christ qui est aussi en toi. Et c'est pour cela, normalement, tu dois aussi être capable à faire confiance à ta propre prière. Parce que quelquefois, on prie pour nous-mêmes, mais on doute. On sait, on croit que ça ne va pas marcher. Mais on croit que c'est quand le pasteur qui va prier, c'est là que ça va marcher. C'est parce que tu ne vois pas le Christ... Tu ne considères pas le Christ, mais tu fais confiance à l'être humain, au pasteur. Et tu ne vois même pas aussi le Christ dans le pasteur. C'est pour cela que tu penses que sa prière est plus valable que ta prière. C'est parce que tu ne vois pas le Christ, en fait. You know, Pope, when Pope is going, they all run to him to touch them. Have you ever seen, have you seen him? Because they don't know that Pope even steal more than them. Even lie more than them. And they don't know what they do. They don't know what that man is doing at the back. You understand me? So they run. If they know what that man is, even if it's a master, he's stealing, you know, they will not even run there. That is how the religious world they live. They hide everything, and people see them as masters. Und das passiert auch in der religiösen Welt, ne, dass Leute beispielsweise dem Papst hinterherrennen und von ihm berührt werden wollen, gesegnet werden wollen. Aber wenn sie wissen würden, was dieser Mensch wirklich ist, ne, was er wirklich im Keller sozusagen wirklich versteckt, dann würden Leute sich noch nicht mehr von ihm angucken lassen wollen. Ne? Aber wenn man das halt nicht weiß, sondern nur diese Fassade von Herrlichkeit sieht, denkt man, okay, diese Person ist vollkommen perfekt und man will Teil davon sein und will dann deswegen von dieser Person berührt werden oder in der Nähe von dieser Person sein. Aber wenn der Herr einmal die Augen öffnen würde und man all das sehen würde, dann würde man sehen, dass, nee, diese Person braucht eigentlich von dir eine Berührung, braucht eigentlich von dir Gebet und nicht umgekehrt. Et c'est aussi tout comme avec le Pope, par exemple, quand le Pape, quand il vient ici en Allemagne ou bien quelque part, tu vas voir que tout le monde est en train de partir là-bas parce qu'ils veulent seulement être touchés du pape, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de saint qui te touche, sans même savoir que lui, il est aussi un pécheur comme toi. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Sans savoir qu'il est en train de... Oui, il abuse des gens ou bien il est en train de voler, des histoires comme ça. C'est un peu... Oui. Mais les gens sont derrière la personnalité parce qu'ils croient seulement ce qu'on est en train de leur dire, sans croire à ce que l'intérieur, c'est que l'Éternel dit. Donc peut-être quelquefois, ils sont même les gens que nous, on pense qu'ils sont saints, ils sont même plus pires que nous, en fait. Verse 5. And he could dare do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk and healed them. He could not do mighty work because they refused to believe. Und in Vers 5 lesen wir, er konnte keine großen Werke vollrichten, weil die Menschen sich geweigert haben zu glauben. Ici, verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Donc, ça nous fait voir que l'Éternel, même Jésus-Christ, ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas en train de croire. Ils avaient une grande incrédulité, que c'est pour cela même Jésus-Christ lui-même ne pouvait même plus faire de plus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, today's pastor, they want to heal everybody. I don't know if you get it. They want to heal everybody. They want to change it. They want to, but it's all based on them. But Jesus is there. Is where we just read that he could do no mighty work because they did not believe. Die Pastoren von heute. But today's pastor, if you believe or not, you. We'll be rolling on the floor. Und die Pastoren heutzutage, sie wollen jeden heilen, ne? Und wollen, dass ihre Macht an jedem beweisen, an jedem zeigen. Und sie wollen, dass wenn sie beten oder wenn sie ihre Hand heben, dass jeder umkippt. Aber hier sehen wir bei Jesus, ne? Jesus, er ist Gott und dennoch konnte er nicht alle heilen, weil es immer noch um den Glauben der Personen geht, die geheilt werden. Und nicht einfach ein Zaubertrick ist, nachdem alle dann einfach sich... alle einfach dann dir ergeben zu Füßen liegen, sondern es ist dein Glaube und das ist ein Zusammenspiel. Ici dans verset 5 et 6, ça nous fait voir aussi comment l'importance de notre foi. La foi est que l'Éternel peut seulement travailler à travers notre foi. Donc si on n'a pas de la foi, lui il ne peut rien faire, il ne peut pas faire beaucoup de choses, il ne peut pas faire des miracles constamment comme ça parce qu'il n'est pas un magicien en fait. Il travaille à travers ta foi. Toi-même, tu dois croire avant de voir quelque chose. Et ici, on voit que l'Éternel Jésus-Christ lui-même, il était limité parce qu'eux, ils étaient vraiment incrédules. On va lire Marc. Isaïe 31, 3. On va lire Isaïe 31, 3. Praise the Lord. Hallelujah. You know, verse 3 help us to understand verse 1 very well. Isaïe 31, 3 maintenant. Amen. Vers 3 hilft uns, Vers 1 noch besser zu verstehen. Le verset 3 va nous aider à comprendre le verset 1. So now the Egyptian are men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. I'm not God. Yeah. L'Égyptien est homme et non Dieu. Donc ça signifie que c'est seulement Jésus-Christ qui est un Dieu. Denn die Ägypter sind nur Menschen, nicht Gott. Nur Jesus Christus ist Gott. Amen. Amen. And they have horses, flesh and not spirit. Jesus said, the word that I speak unto their spirit, their life. Amen. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Aber Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Ici, on voit que ces chevaux sont chair et non esprit. Mais Jésus-Christ dit que les paroles que je vous prêche, que je vous dis, c'est vie et esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you understand it. Mm. J'espère que praise vous comprenez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Also in Mark 10, if you go there. Auch Markus 10. On va lire Marc 10. That's the reason we prove all things. Das ist der Grund, weshalb wir alles prüfen. Trust. Wegen dem Vertrauen. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle on est en train de tout examiner. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10. Markus 10. Marc 10, 23 à 25. Markus 10, 23 und 25. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10 from verse 23 to 25. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? 24. And the disciples were astonished at these words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches? Are you getting it? Mm. Trust. We are talking about trust. Wir sprechen über Vertrauen. Marc 10, 23 à 24, ici on parle de la confiance. Il a dit ici à verset 24, à mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Amen. Amen. That trust in riches to enter into the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. It means it is impossible. Das heißt, es ist unmöglich. Because the head of a camel, the eye of a needle can never be as big that so big that the head of a camel can go through. Der Nadelöhr niemals so groß ist, damit ein Kamelkopf reinkommen kann. Ici, il dit que mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par la trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça signifie que c'est impossible parce que on sait bien que la grosse tête de un chameau là ne peut pas entrer dans une aiguille, c'est impossible. Et c'est comme ça aussi que c'est impossible pour l'homme riche d'entrer dans le royaume des cieux en fait. Amen. That's why we prove all things. Deswegen prüfen wir alles. Thessalonians 5:21 says prove all things. Prüfe alles. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit tout judge all things. Amen. On doit tout juger. Prüfe alles. Amen. We don't trust in man. Wir vertrauen nicht auf Menschen. On fait pas confiance à l'être humain. Wir vertrauen Menschen noch nicht. Et on fait pas confiance à l'être humain. On le trust through Christ. Wir vertrauen nur durch Christus und Christus. Et on fait seulement confiance à travers Jésus-Christ. In 1 Corinthians 2:15 says judge all things. In 1. Korinther 5 steht, dass wir alles richten sollen. Wenn wir vom Geist sind, werden wir alles richten. Wenn wir vom Fleisch sind, werden wir nicht richten. Si on est de l'esprit, on va tout juger, mais si on est de la chair, on ne sera pas capable à juger les choses. Amen. Amen. Because of today's we'll stop here, please. Amen. Amen. We have meeting today. Oui, et oui, maintenant, oui, je vous remercie parce que ça, à cause de notre meeting aujourd'hui, de notre, on va s'arrêter ici. We continue as the Lord directs us from here also on Wednesday. Amen. Am Mittwoch geht es weiter, so wie der Heilige Geist uns leitet. Praise the Lord. Hallelujah.